Chapitre 159e, le village d'Aramon. Ses pas imprimés sur la neige étaient ceux de Gilbert, qui, depuis sa dernière entrevue avec Balsamo, accomplissait sa tâche de surveillant et préparait sa vengeance. Rien ne lui avait coûté. Il avait réussi, à force de douces paroles et de petites complaisances, à se faire accepter, chérir même, par la femme de Rousseau. Le moyen était simple. Sur les 30 sous par jour que Rousseau allouait à son copiste, le sobre Gilbert prélevait, 3 fois la semaine, 1 livre, qu'il employait à l'achat d'un petit présent destiné à Thérèse. C'était quelquefois un ruban pour ses bonnets, quelquefois une friandise, ou une bouteille de vin de liqueur. La bonne dame, sensible à tout ce qui flattait ses goûts ou son petit orgueil, se fut au besoin contentée des exclamations que poussait Gilbert à table pour louer le talent culinaire de la maîtresse de la maison. Car le philosophe genevois avait réussi à faire admettre le jeune protégé à la table, et depuis les 2 derniers mois, Gilbert, ainsi favorisé, s'était amassé de louis à son trésor à lui, qui dormait sous la paillasse à côté des 20 000 livres de Balsamo. Mais quelle existence! Quelle fixité dans la tenue de conduite et dans la volonté! Levé au jour, Gilbert commençait à examiner de son œil infaillible la position d'André pour reconnaître le moindre changement qui pourrait s'être introduit dans l'existence si sombre et si régulière de la recluse. Rien alors n'échappait à ce regard, ni le sable du jardin sur lequel sa vue perçante mesurait les empreintes du pied d'André, ni le pli des rideaux plus ou moins hermétiquement fermés, et dont l'entrebâillement était pour Gilbert un indice certain de l'humeur de la maîtresse. Car, en ces jours de marasme, André se refusait même la vue de la lumière du ciel. De cette façon, Gilbert savait ce qui se passait dans l'âme et ce qui se passait dans la maison. Il avait trouvé moyen également d'interpréter toutes les démarches de Philippe, et calculant comment il savait le faire, il ne se trompant ni sur l'intention au départ, ni sur le résultat au retour. Il poussa même la minutie jusqu'à suivre Philippe un soir qu'il allait à Versailles trouver le docteur Louis. Cette visite à Versailles avait bien un peu troublé les idées du surveillant, mais quand il vit, à 2 jours de là, le docteur se glissait furtivement dans le jardin par la rue Coqueron, il comprit ce qui avait été un mystère l'avant-veille. Gilbert savait les dates et n'ignorait pas que le moment approchait de réaliser toutes ses espérances. Il avait pris autant de précautions qu'il en faut pour assurer le succès d'une entreprise hérissée de difficultés. Voici comment son plan fut combiné. Les 2 louis lui servirent à louer, dans le faubourg Saint-Denis, un cabriolet avec 2 chevaux. Cette voiture devait être à ses ordres le jour où on la requérerait. Gilbert avait en outre exploré les environs de Paris dans un congé de 3 ou 4 jours qu'il avait pris. Pendant ce congé, il s'était rendu dans une petite ville du Soissonnais, située à 18 lieues de Paris et entourée d'une immense forêt. Cette petite ville se nommait Villers-Cotterêts. Une fois arrivé dans cette petite ville, il s'était rendu tout droit chez l'unique tabellion de l'endroit, lequel s'appelait Maître Niquet. Gilbert s'était présenté au dit tabellion comme le fils de l'intendant d'un grand seigneur. Ce grand seigneur, voulant du bien à l'enfant d'une de ses paysannes, avait chargé Gilbert de trouver une nourrice à cet enfant. Selon toute probabilité, la munificence du grand seigneur ne se bornerait point au mois de nourrice, et il déposerait en outre entre les mains de Maître Niquet une certaine somme pour l'enfant. Alors Maître Niquet, qui était possesseur de 3 beaux garçons, lui avait indiqué dans un petit village nommé Aramon et situé à 1 lieue de Villers-Cotterêts, la fille de la nourrice de ses 3 fils, laquelle, après s'être mariée légitimement en son étude, continuait le métier de madame sa mère. Cette brave femme s'appelait Madeleine Pitou, jouissait d'un fils de 4 ans, lequel présentait tous les symptômes d'une bonne santé. Elle venait, en outre, d'accoucher à nouveau et, par conséquent, se trouvait à la disposition de Gilbert le jour où il lui plairait d'apporter ou d'envoyer son nourrisson. Toutes ces dispositions prises, Gilbert, toujours exact, était revenu à Paris 2 heures avant l'expiration du congé demandé. Maintenant, on nous demandera pourquoi Gilbert avait choisi la petite ville de Villers-Cotterêts préférablement à toute autre. En cette circonstance, comme en beaucoup d'autres, Gilbert avait subi l'influence de Rousseau. Rousseau avait un jour nommé la forêt de Villers-Cotterêts comme une des plus riches en végétation qui existe, et dans cette forêt, il avait cité 3 ou 4 villages cachés comme des nids au plus profond de la feuillée. Or, il était impossible qu'on allât découvrir l'enfant de Gilbert dans un de ces villages. Aramon surtout avait frappé Rousseau, si bien que Rousseau le misanthrope, Rousseau le solitaire, Rousseau l'ermite répétait à chaque instant « Armand est le bout du monde. Armand, c'est le désert. On peut vivre et mourir là comme l'oiseau sur la branche quand il vit, sous la feuille quand il meurt. » Gilbert avait encore entendu le philosophe raconter les détails d'un intérieur de chaumière et rendre avec ses traits de feu dont il animait la nature, depuis le sourire de la nourrice jusqu'au bêlement de la chèvre, depuis l'odeur appétissante de la grossière soupe aux choux jusqu'au parfum des mûriers sauvages et des bruyères violacées. « J'irai là, » s'était dit Gilbert. « Mon enfant grandira sous les ombrages où le maître a exhalé des souhaits et des soupirs. » Pour Gilbert, une fantaisie était une règle invariable, surtout quand cette fantaisie se présentait avec des apparences de nécessité morale. Sa joie fut donc grande quand maître Niquet, allant au devant de ses désirs, lui nomma Rameau comme un village qui convenait parfaitement à ses intentions. De retour à Paris, Gilbert s'était préoccupé du cabriolet. Le cabriolet n'était pas beau, mais il était solide. C'était tout ce qu'il fallait. Les chevaux étaient des percherons trapus, le postillon en lourdeau d'écurie. Mais ce qui importait à Gilbert, c'était d'arriver au but et surtout de n'éveiller aucune curiosité. Sa fable n'avait d'ailleurs inspiré aucune défiance à maître Niquet. Il était d'assez bonne mine avec ses habits neufs pour ressembler à un fils d'intendant de bonne maison ou un valet de chambre déguisé de duc et pair. Son ouverture n'en inspira pas davantage au conducteur. C'était le temps des confidences de peuple à gentilhomme. On recevait dans ce temps-là l'argent avec une certaine reconnaissance et sans prendre d'informations. D'ailleurs, 2 louis en valaient 4 à cette époque et 4 louis de nos jours sont toujours bons à gagner. Le voiturier s'engagea donc, pourvu qu'il fût prévenu 2 heures à l'avance, à mettre sa voiture à la disposition de Gilbert. Cette entreprise avait pour le jeune homme tous les attraits que l'imagination des poètes et l'imagination des philosophes, de faits vêtus différemment, prêtent aux belles choses et aux bonnes résolutions. Soustraire l'enfant à une mère cruelle, c'est-à-dire semer la honte et le deuil dans le camp des ennemis, puis, changeant de visage, entrer dans une chaumière chez des villageois vertueux comme les Pins Rousseau et déposer sur un berceau d'enfant une grosse somme, être regardé comme un dieu tutélaire par ces pauvres gens, passer pour un grand personnage. Voilà plus qu'il n'en fallait pour satisfaire l'orgueil, le ressentiment, l'amour pour le prochain, la haine pour les ennemis. Le jour fatal arriva enfin. Il suivait 10 autres jours que Gilbert avait passés dans les angoisses, 10 nuits qu'il avait passées dans l'insomnie. Malgré la rigueur du froid, il couchait la fenêtre ouverte, et chaque mouvement d'André ou de Philippe correspondait à son oreille, comme à la sonnette la main qui tire le fil. Il vit ce jour-là Philippe et André causer ensemble près de la cheminée. Il avait vu la servante partir précipitamment pour Versailles, en oubliant de fermer les persiennes. Il courut aussitôt prévenir son voiturier, resta devant l'écurie pendant tout le temps qu'on attela, se mordant les poings et crispant ses pieds sur le pavé pour comprimer son impatience. Enfin, le postillon monta sur son cheval et Gilbert dans le cabriolet qu'il fait arrêter au coin d'une petite rue déserte aux environs de la halle. Puis il revint chez Rousseau, écrivit une lettre d'adieu au bon philosophe, de remerciement à Thérèse, annonçant qu'un petit héritage l'appelait dans le midi, qu'il reviendrait, le tout sans indication précise. Puis, son argent dans ses poches, un long couteau dans sa manche, il allait se glisser le long du tuyau dans le jardin, lorsqu'une idée l'arrêta. La neige. Gilbert, absorbé depuis 3 jours, n'avait pas pensé à cela. Sur la neige, on verrait ses traces. Ses traces, aboutissant au mur de la maison de Rousseau, nul doute que Philippe et André ne fissent faire des recherches, et que la disparition de Gilbert, coïncidant avec l'enlèvement, tout ce secret ne se découvrit. Il fallait donc, de toute nécessité, faire le tour par la rue Coqueron, entrer par la petite porte du jardin, pour laquelle, depuis 1 mois, Gilbert s'était muni d'un passe-partout, porte de laquelle partait un petit sentier battu où ses pieds, par conséquent, ne laisseraient pas de traces. Il ne perdit pas un moment, et arriva juste à l'heure où le fiacre qui amenait le docteur Louis stationnait devant l'entrée principale du petit hôtel. Gilbert ouvrit avec précaution la porte, ne vit personne, et s'alla cacher à l'angle du pavillon près de la serre. Ce fut une terrible nuit. Il put entendre tout, gémissements, cris arrachés par la torture, il entendit jusqu'au premier bagissement du fils qui lui était né. Cependant, appuyé sur la pierre nue, il recevait, sans la sentir, toute la neige qui tombait drue et solide du ciel noir. Son cœur battait sur le manche de ce couteau qu'il serrait désespérément contre sa poitrine. Son œil fixe avait la couleur du sang, la lumière du feu. Enfin le docteur sortit. Enfin Philippe échangea les derniers mots avec le docteur. Alors Gilbert s'approcha de la persienne, marquant sa trace sur le tapis de neige qui craquait sous ses pieds jusqu'à la cheville. Il vit André endormi dans son lit, Marguerite assoupie dans le fauteuil, et cherchant l'enfant près de la mère, il ne le vit point. Il comprit aussitôt, se dirigea vers la porte du perron, l'ouvrit non sans un bruit qui l'épouvanta, et pénétrant jusqu'au lit qui avait été le lit de Nicole, il posa tâtons ses doigts glacés sur le visage du pauvre enfant à qui la douleur arracha les cris entendus par André. Puis, roulant le nouveau-né dans une couverture de laine, il l'emporta, laissant la porte entrebâillée pour ne pas redoubler le bruit si dangereux. Une minute après, il avait gagné la rue par le jardin. Il courait à la rencontre de son cabriolet, en chassait le postillon qui s'était endormi sous la capote et fermant le rideau de cuir, tandis que l'homme remontait à cheval. « À 2000 louis pour toi, » dit-il, « si dans un quart d'heure nous avons franchi la barrière. » Les chevaux ferrés à glace partirent au galop.